Chapitre 6e. Voilà encore une journée de plaisir qui finit, dit la vieille Mrs. Forgan à Boleyn. Elle commence, au contraire, répondit d'un air rêveur la jeune fille restée seule avec cette gouvernante des filles d'honneur dans une des voitures qui revenait de Hampton Court sur la fin de la nuit. Comment, ma fille? Oui, chère Mrs. Fogg, je me promets au point du jour qui va se lever le plus grand bonheur que j'ai éprouvé de ma vie. Si toutefois votre volonté ne vient pas s'y opposer. Dieu m'en garde, mon enfant. Mais de quoi s'agit-il donc? Nous passerons à 4 heures du matin dans le faubourg de Poultry, devant la maison habitée par le moine Hopkins. Il y a là, parmi une foule d'autres merveilles de la magie, un miroir, le plus puissant que la science ait jamais obtenu. 100 fois, depuis mon enfance, j'ai entendu parler des effets extraordinaires de cet instrument. Des personnes dignes de foi m'ont dit les avoir éprouvés elles-mêmes. En se plaçant devant cette glace, qui a d'abord l'aspect d'une eau noire et stagnante, mais qui s'éclaircit peu à peu à mesure qu'on y plonge les regards, on se voit tel qu'on sera dans l'avenir au moment le plus décisif de sa vie. Ne secouez pas la tête, ma chère Mrs., ajouta Anna. Ces choses m'ont été attestées, je vous le répète, par des personnes qui ne pouvaient se tromper ni me tromper. Quand nous serons devant cette maison, la voiture s'arrêtera et... Je vous jure par la messe que je n'entrerai pas dans ce repère de Satan, s'écria la gouvernante effrayée. Non, certes, ma bonne Forgue, je ne voudrais pas vous donner cette peine. Vous m'attendrez un instant dans le carrosse, et je monterai seul chez le moine Hopkins pour qu'il me dévoile son miroir magique. Il est très difficile à aborder sur ce point, je le sais, mais j'apporte une bourse bien garnie et un solitaire de la plus belle eau qui pourront le rendre complaisant. Miss Boleyn, tandis que vous êtes sous ma surveillance, je ne permettrai certainement pas que vous fassiez une démarche inconvenante à ce point, et même à ce point dangereuse pour votre âme. Quoi, Mrs., moi qui vous croyais la meilleure, la plus indulgente de nos gouvernantes, moi qui avais même cru remarquer en vous un peu de prédilection pour celle que vous appeliez si complaisamment votre jolie petite Anna, je m'étais donc trompé? C'était donc une erreur de mon cœur? Non, mon enfant, vous ne vous êtes pas trompé en croyant que je vous aimais. Quand j'ai demandé avec instance à la directrice de revenir dans cette voiture où vous étiez, quand j'ai pris occasion de cela pour vanter à Lady Surrey votre bonté et votre prudence pour l'engager à vous avancer dans votre emploi, je ne m'attendais certes pas à éprouver aujourd'hui un tel refus de votre part, si j'étais sûr que vous ne restassiez que bien peu de temps. Oh, ma bonne Mrs., 1 quart d'heure, 10 minutes, si vous voulez, ce sera bientôt passé, et vous n'aurez pas le regret d'avoir causé de la peine à votre petite Anna. On arrivait devant la maison de Hopkins. La gouvernante n'osa plus s'opposer à ce qu'elle regarda comme un innocent enfantillage, et Anne de Boleyn entra seule dans la demeure du moine. Cette maison était habitée de temps immémorial par des astrologues, des magiciens, des nécromanciens. Petite et noire, avec son toit hérissé de lunettes braquées vers le ciel, des girouettes hideuses et grinçantes, avec ses murs couverts de sculptures hachées par le temps et qui ressemblaient à des hiéroglyphes mystérieux, elle se faisait remarquer désagréablement au milieu des habitations modernes qui l'entouraient. Mais 100 fois, au moment de l'abattre, on en avait été empêché par une crainte superstitieuse. Anna franchit le seuil, non sans frissonner. Mais que ne peut une curiosité de jeune fille? Elle entra dans une salle basse où une lanterne lui montra l'escalier qui conduisait à l'étage supérieur. Au bas de cet escalier, de chaque côté, elle vit dans l'obscurité, depuis au niveau du sol, dont le bord de pierre grise était chargé de figures cabalistiques. Un faux pas l'eût précipité dans l'un de ces abîmes. Elle eut peur, puis la pensée du miroir magique lui revint à l'esprit et elle monta résolument. Quoiqu'il fût trop tard ou trop tôt pour que cette maison fût visitée par les curieux accoutumés, la porte placée au haut de l'escalier était restée entr'ouverte, et avant d'entrer, Anna put voir dans l'intérieur. Le moine était assis au fond de ce sanctuaire des sciences sacrilèges. Des lanternes sourdes étaient suspendues aux murailles de cette pièce privée de fenêtres et où la lumière du jour ne pénétrait jamais. Il y avait là une foule d'objets sans nom pour d'autres que pour leurs propriétaires, et dont l'usage inconnu effrayait l'imagination. On y voyait une espèce d'autel en pierre brute surmonté d'une large coupe, pleine d'eau et couverte d'inscriptions en langue cabalistique. Un flambeau était à côté. On l'allumait après les évocations voulues, et les démons étaient censés faire lire leurs réponses en traits de feu par la réfraction de la lumière dans l'eau de la coupe. Ça et là, autour de l'autel, étaient des alambics, des fourneaux, des creusets. L'un de ces creusets servait à fondre et à composer la pistole volante, cette petite pièce de monnaie qui retournait toujours dans la poche de son maître. Le long du mur pendaient des guirlandes de crânes humains entremêlées de fioles contenant des filtres d'amour. Enfin, au pied de l'autel où s'entassaient des débris immondes, étaient éparses quelques branches de roses, suaves et délicates fleurs, appelées là pour concourir à certains sortilèges. Mais les fourneaux étaient froids, les vases étaient vides et les roses desséchées. Le moine était assis sur un escabeau de bois, insensible, les bras croisés, le froc serré aux reins par une ceinture de corde, les pieds nus, le capuchon de laine brune rejeté en arrière. Ses yeux étaient baissés, et cependant on aura pu lire bien des pensées sur ce visage sans regard et sans mouvement. L'astrologue attendait-il quelque visite à cette heure matinale, qui n'était déjà plus la nuit, et qui n'était pas encore le jour? Quoi qu'il en fût, en entendant du bruit à la porte, il se leva sans surprise, et même avec une sorte d'empressement. Mais lorsqu'il aperçut la jeune fille, il fronça le sourcil, bien qu'il dût être accoutumé aux secrètes visites des dames de la cour. Il parut irrité de la présence de celle-ci à pareille heure. Cependant, après avoir jeté un regard sur le sablier, il lui permit d'entrer. Anne de Boleyn énonça le but de sa visite et montra en même temps au chartreux la bourse et le diamant qui devaient récompenser le marchand d'oracle. Hopkins sourit à cette vue et prépara ses instruments, voulant abréger le plus possible la séance que la dame d'honneur allait faire chez lui. Anna était seule avec un vieux moine dans cette habitation où régnait, selon la croyance commune, un pouvoir infernal. Au moment où Hopkins porta la main au rideau qui couvrait le miroir magique, pour qu'elle puisse voir son image dans le moment le plus décisif de sa vie, elle se sentit frémir. Ses mains se joignirent avec angoisse. Elle tomba à genoux devant cette terrible porte de l'avenir. Elle n'y vit rien d'abord, mais peu à peu le centre du miroir blanchit. Elle aperçut des figures indécises. Puis elle crut distinguer un homme vêtu de rouge et la hache à la main près d'une femme à genoux ayant sur la tête une couronne royale. L'homme rouge leva la hache au-dessus de la tête de la jeune femme. En ce moment, le corps d'Anna se couvrit d'une sueur glacée. Ses yeux devinrent hagards. Elle leva ses mains jointes et de sa poitrine s'échappa un cri déchirant. « Henri ! Henri !» Puis elle tomba sur le carreau, privée de tout sentiment. Hopkins entendit du bruit à la porte. Il se précipita tout à coup au-devant de ceux qui arrivaient, les empêcha d'entrer, puis revint auprès de la jeune fille, l'emporta dans la pièce voisine et introduisit enfin les nouveaux venus. Quand Anna reprit ses sens, elle se vit seule, et ce qui s'était passé lui sembla un songe. Voulant sortir de ce repère où l'avait entraînée sa curiosité, elle se dirigea vers l'une des issues de la pièce où elle se trouvait, souleva une vieille portière en laine et s'arrêta frappée de stupeur à l'aspect des nouveaux personnages qu'elle put voir et entendre dans la pièce voisine sans qu'aucun d'eux soupçonnât sa présence. Près du moine étaient assis Sir Amyas Paulet et George de Boleyn, le frère d'Anna. Puis Lord Buckingham, le descendant de Gloucester, qui conservait des prétentions au trône. Devant eux, deux hommes se tenaient debout. L'un portait une longue cape grise qui l'enveloppait entièrement et dont le capuchon abaissé lui cachait le visage. L'autre, armé en guerre, avait un juste au corps de peau de buffle, bordé d'acier, un bonnet de fourrure aux poils hérissés, une ceinture chargée de dagues, de poignards et d'un grand sabre traînant. S'adressant à ce dernier, Sir Amyas Paulet disait « Et quelle garantie nous donnerez-vous de votre silence ?»« Celle que vous m'offrez vous-même, la complicité, » répondit l'homme habillé de buffle. « En apprenant à jouer de la dague, on apprend à retenir sa langue. Et votre compagnon est-il aussi fort que vous sur l'un et sur l'autre point ?»« Mon compagnon François est surnommé par ses camarades le taciturne, » répondit l'autre en montrant l'homme couvert de la cape grise. « François ne parle jamais inutilement. Il y a plus forte raison, dangereusement. »« C'est bien, » dit le moine Hopkins. « Nous vous donnerons pour la matinée que vous allez faire 50 guinées. »« Sous votre bon plaisir, mes maîtres, c'est à moi de fixer le prix de mon travail. » Je vous demande 10 000 livres sterling, et les 50 guinées seront simplement le pourboire de taciturne. 10 000 livres sterling ? S'écrièrent en même temps les 4 autres personnages, et le regard inquiet qu'ils échangèrent semblait dire « Où les prendrons-nous » « 10 000 livres pour l'ouvrage d'un quart d'heure ? Répéta Hopkins, « c'est bien cher. » « Cet ouvrage est plus important que celui de 100 ouvriers ensemble, » répliqua l'homme armé. Quelques pas dans la nuit, un moment d'audace, un coup de poignard dans le bon endroit, voilà tout, dit Sir Amyas Paulet. À la bonne heure. mais ce moment fait passer de Bia Tripa un homme plein de force et de santé. Secoué face de la terre un cardinal, un légat du pape, un ministre, un chancelier, un favori du roi. Il n'en coûte pas plus de sang que pour un pâtre, observa Buckingham. Ce coup, continua le bandit, ouvre la voie à 100 ambitions. Donne à 20 hommes nouveaux le portefeuille, le sceau d'état et la tiare. Ne dépréciez donc pas notre état, Milord. Les autres artistes, vos peintres, vos sculpteurs, ne font qu'approcher de la nature. Nous, nous l'égalons, nous la surpassons, car nous exécutons en un instant ce qu'elle met des années à accomplir, et cela sans qu'il y ait aucune infériorité de notre ouvrage au sien. Et il montrait les têtes de mort qui pendaient aux murailles. Qui nous dira que ces trépassés, si bien desséchés, ont été faits squelettes par la maladie ou par le poignard, par le médecin ou par le bravo? Il faudrait, pour le savoir, que l'auteur ait signé son œuvre. Nous ne dédaignons pas votre travail, maître, puisque nous y avons recours, répondit Hopkins. 10 000 livres, dit Paulette, qui revenait à la question principale. 10 000 livres, de par le ciel, c'est la fortune d'un chevalier. Et le sein d'un Forban, monseigneur, il nous en coûte autant pour nous cacher qu'à vous pour vous montrer. La récompense doit être proportionnée à l'importance de la victime. Certainement, ajouta-t-il, en regardant avec un peu de dédain ce qu'il avait fait venir, je me ferai payer moins cher pour tuer un moine obscur ou un chevalier disgracié. Mais que diable! Vous me demandez l'habit la plus chère du royaume! Les personnes à qui ceci faisait allusion laissaient voir un vif dépit que leur sang fût taxé à plus bas prix que celui de leur ennemi. Les plus grands tombent les premiers, dit le moine astrologue. Et le vent, regard mystique, n'importe par quelle voie elle arrive, continua-t-il, la mort que nous demandons ne peut tarder. Des signes infaillibles annoncent que le ciel est là de voir le grand coupable qui pèse sur l'Angleterre, et depuis plusieurs nuits, les astres de sa constellation se couvrent d'un nuage de sang. J'ai beaucoup de respect pour le céleste grimoire, interrompit Sir Amyas, mais je ne veux pas me reposer sur les étoiles de nos affaires d'ici-bas. Voyons, mes lords, à 7 heures du matin, en revenant de Hampton Court, le cardinal doit passer à cheval, seul avec un domestique, dans le chemin de traverse qui suit le torrent de Torfour. Il va au lever du roi recevoir le titre patenté de grand chancelier. Il faut l'arrêter en sa route. Il faut épargner cette honte à l'Angleterre de donner la première dignité de l'État au misérable prêtre de Suffolk, à celui qui a conservé de sa bassesse originelle la haine de tout ce qui, par la naissance, est au-dessus de lui. 10 000 livres, messeigneurs, reprit le patron, et l'Angleterre ne subit pas ce nouvel affront. Les personnes interpellées secouèrent la tête d'un air qui semblait dire « Il ne nous a pas même laissé de quoi nous défaire de lui. » 50 guinées, reprit de nouveau Paulette en s'adressant à l'homme vêtu de buffle. « Je n'ai pas opéré 24 ans de ma vie, répondit celui-ci, pour travailler ensuite au rabais. » François le taciturne était toujours immobile et silencieux auprès de son maître. « Je crois, messeigneurs, dit enfin le moine, qu'il nous faudra faire notre ouvrage nous-mêmes. » Sœur Paulette fit un bond en arrière et appuya la main sur son épée comme pour la retenir dans le fourreau loin de l'acte infâme qu'on lui proposait. « Impossible, s'écria Georges de Bolène. Un cardinal ne peut se battre et des nobles ne peuvent assassiner. Pour moi, malgré la haine que je porte au ministre, je ne suis venu ici qu'avec la pensée qu'on allait préparer un coup de main dans lequel je pourrais me mesurer contre Arthur Derby, puisqu'un ordre formel de Sa Majesté et du cardinal nous défend d'une rencontre en combat singulier. » Le moine se leva, le fanatisme de la haine désespérée brillait dans ses yeux. « Eh bien, dit-il, illustre chevalier, il se trouve un homme moins difficile que vous. Il se trouve un ouvrier moins exigeant que toi, chef de bandit. Celui qui n'a jamais ni touché l'épée ni le poignard se chargera de la sublime besogne que vous dédaignez tous. Si vous en aviez le courage, vous n'en aurez peut-être pas le savoir, dit le maître en fait de meurtre. Croyez-moi, prenez avec vous François le taciturne et donnez-lui, pour vous prêter son secours, les 50 guinées que vous m'offriez. Ce sera de l'argent bien placé. Buckingham et Georges de Bolène, qui tenaient encore par la tradition et loyauté de la chevalerie, exprimèrent de nouveau toute l'horreur que leur inspirait cette résolution, mais ils n'avaient rien d'autre à proposer. Hopkins répondit donc par un signe d'assentiment au maître du taciturne et se disposa à sortir sans plus de retard avec le compagnon qu'on lui donnait. Anne de Bolène, entièrement oubliée par le moine, avait été involontairement témoin invisible de cette conjuration. Accablée par tant d'émotions, elle eut besoin de rassembler toutes ses forces au mouvement qui annonça la retraite des conjurés pour descendre avant eux l'escalier par où elle était venue et regagner sa voiture où elle monta éperdue et tomba en pleurant dans les bras de sa gouvernante. Celle-ci voulut l'interroger, mais Anna garda le plus obstiné silence sur tout ce qu'elle venait de voir et d'entendre d'abominable. Hopkins, après avoir pris des armes dans le laboratoire, où il les avait consacrées, disait-il, par des puissances surnaturelles, sortit bientôt accompagné de François le Taciturne. Tous deux marchèrent précipitamment, eurent bientôt dépassé le faubourg, arrivèrent en pleine campagne et prirent le chemin parallèle à la petite rivière de Torfour, alors gonflée en torrent. Ce chemin était pratiqué entre une montagne à pic et le flot qui roulait à plein bord. Hopkins s'arrêta à l'endroit où cette route était croisée par celle de Hampton Court. Son compagnon l'avait suivi, toujours silencieux et grave. Une croix s'élevait en cet endroit. Hopkins se posta derrière l'angle que formait le rocher en face de la croix. Il s'assura de l'heure à la hauteur du soleil et dit à son taciturne compagnon qui s'était placé à deux pas de lui « Le moment approche, attendons. » « Tu n'attendras pas longtemps, » s'écria tout à coup cet homme en rejetant en arrière le capuchon de sa cape grise et en découvrant sa figure. C'était Walter lui-même. Le moine recula, stupéfait. Il examina le cardinal d'un œil hagard, comme s'il eût craint d'être le jouet d'une vaine illusion. Enfin, ne pouvant plus douter de la réalité de son adversaire, et s'étant remis de sa première stupeur, il porta vivement la main à son poignard. Wellesley en fit autant, entr'ouvrit vivement sa cape grise, et laissa voir une ceinture toute luisante d'armes. Tous deux s'avancèrent le bras levé pour se frapper. Puis tous deux s'arrêtèrent à quelques pas l'un de l'autre. Ils se sentaient tant de haine à épancher d'abord qu'ils avaient besoin de prolonger ce terrible moment. « Pauvre ver de terre !» s'écria Wellesley. « Reptile que peut cacher tout entier un brin d'herbe. Tu veux lire dans les astres et t'attaquer aux puissances de la terre, insensé ! Les étoiles ne t'avaient donc pas révélé d'avance cette mortelle mystification ?»« Non, mais elles m'ont prédit ta chute inévitable. L'Angleterre te hait, et s'il est vrai que le souverain conserve encore quelque amitié pour toi, tu devrais savoir que les rois désirent souvent qu'on les débarrasse de leurs affections un peu plus vivement que de leur haine. S'il en est ainsi, savant prophète, si tu vois ma ruine de si près, pourquoi t'exposer toi-même en voulant la précipiter? Parce que tu es prêtre, et qu'il serait providentiel que tu mourusses par la main d'un prêtre. Écoute, car il fallait que la mort fût entière entre ton accusateur et toi, pour que tu entendisses enfin la vérité tout entière. C'est sur cette église qui t'a si généreusement élevé que tu rassasis ta cupidité. Un matin, à ton réveil, il t'est venu l'idée de détruire des monastères, de confisquer leurs richesses, et ces murs, bâtis par des saints, ont été dévastés par tes balais. Les galons de nos étoles ont doré les habits de tes pages. Les deniers de nos maisons ont payé le dévouement de tes favoris. Enfin, les vases sacrés de nos autels ont servi à faire boire tes courtisans. Mais moines maudits et deux fois damnés, vous aviez mérité ce châtiment par votre luxe monstrueux et vos ignobles voluptés. Ne vaut-il pas mieux, misérable, que tes vases d'autel donnent à boire à mes courtisans, qui n'ont rien promis à Dieu, qu'à tes moines ivrognes, qui joignent le parjure et le sacrilège à la débauche? Oui, nos monastères semblent atteints de vertige, de folie. Oui, ils luttent de vice avec les autres classes. Oui, les étoiles qui président à la destinée des communautés religieuses se montrent de plus en plus pâles, et leur jonction prochaine avec les astres, d'une puissance opposée, annonce la ruine entière de la cité religieuse. Pauvre astrologue, ne ris pas, cardinal impie, de ces sentinelles célestes, car déjà les sentinelles de la terre leur répondent. Oui, du côté du levant, la voix de ce jeune homme qu'on appelle Luther a soulevé une tempête qui va s'étendre comme un voile funèbre sur toute la catholicité. La figure de Hopkins était rayonnante de fanatisme. Oui, continua-t-il, l'église tout entière est penchée vers l'abîme. Les temps prédits par l'Apocalypse sont arrivés. Imbécile! Si la Providence l'a décrété ainsi, pourquoi donc m'accuses-tu? Parce qu'au lieu de retarder cette fin des temps, tu ne fais qu'en hâter la venue. Parce qu'au lieu de relever la foi, tu la foules aux pieds. Parce que tu n'as été envoyé par l'enfer sur cette terre pour montrer tout ce qu'un prêtre impie peut faire de mal. Parce qu'en un mot, je ne vois en toi que l'Antéchrist. As-tu donc peur, moine infernal, qui m'accable ainsi d'outrage, As-tu donc peur que je ne sois pas assez décidé à t'écraser du pied comme un vil reptile, à te frapper de cette mort dont tu avais dessein de me frapper si lâchement? Non, non, je mesure ta haine à la mienne. Je sais que l'un de nous a cessé de vivre dès ce moment. Je sais que tes heures sont comptées. Il est temps que le ciel se prononce entre nous, que sa volonté s'accomplisse. » Et à ces mots, les deux adversaires fondirent l'un sur l'autre, le poignard à la main, la rage au cœur. Un cri de douleur se fit entendre au milieu des imprécations, et le bruit lourd d'un corps précipité dans le torrent retentit bientôt sur la rive.